Chapitre 2. Le rebouteur. Pourquoi pleurez-vous ? Demanda le comte en tirant vivement le drap sous lequel sa femme s'était ensevelie. Cette voix, toujours effrayante pour elle, eut en ce moment une douceur factice qui lui sembla de bon augure. « Je souffre beaucoup, » répondit-elle. « Eh bien, ma mignonne, est-ce un crime que de souffrir ? Pourquoi vous cacher quand je vous regarde ? Hélas, que faut-il donc faire pour être aimé ? » Il soupira, et toutes les rides de son front s'amassèrent entre ses deux sourcils. « Je vous cause toujours de l'effroi, je le vois bien. » La comtesse se permit d'interrompre son mari en jetant quelques gémissements. Et conseillée par l'instinct des caractères faibles et timides, elle s'écria tout à coup « Je crains de faire une fausse couche. J'ai couru sur les rochers toute la soirée, et je me serais sans doute trop fatiguée. » Elle trembla violemment en prononçant ces paroles tant son mari la regardait fixement. Car prenant la peur qu'il inspira à cette naïve créature pour l'expression d'un remords, il répliqua « Mais c'est peut-être un accouchement véritable qui commence. »« Eh bien, » dit-elle. « Eh bien, dans tous les cas, il faut ici quelqu'un d'habile, et je vais le chercher. » L'air sombre dont ces paroles furent accompagnées glaça la comtesse. Elle retomba sur le lit en poussant un cri arraché plutôt par une affreuse vision de sa destinée que par les angoisses de la crise prochaine. Ce gémissement acheva de prouver au comte la vraisemblance de tous les soupçons qui se réveillaient dans son esprit. Une rage concentrée lui brisa le cœur. Mais affectant un calme que les accents de sa voix, ses gestes, ses regards démentaient, il se leva précipitamment, puis, s'enveloppant à la hâte d'une robe en velours noir qu'il trouva sur un fauteuil, il alla fermer soigneusement une porte située auprès de la cheminée et par laquelle on pouvait passer de la chambre de parade dans les appartements de réception qui communiquaient à l'escalier d'honneur. En voyant le soin avec lequel son mari gardait cette clé, la comtesse eut le pressentiment d'un malheur. Épiant ses mouvements avec une indéfinissable anxiété, elle l'entendit ouvrir la porte opposée à celle qu'il venait de fermer et se rendre dans une autre pièce où couchaient les comtes d'Hérouville quand ils n'honoraient pas leurs femmes de leur noble compagnie. Mais la comtesse ne connaissait que par ouï dire la destination de cette chambre, car depuis son mariage, quelques expéditions militaires avaient pu seules obliger le comte à quitter le lit d'honneur, et l'on doit croire que pendant ses absences forcées, il laissait plus d'un argus au château. Alors la comtesse resta dans un profond silence. Et malgré l'attention avec laquelle elle s'efforçait d'écouter le moindre bruit, elle n'entendit plus rien qui pût lui révéler les intentions de son mari. Le comte était arrivé dans une longue galerie aboutissant à sa chambre et qui occupait toute l'aile occidentale du château. Le cardinal d'Hérouville, son grand-oncle, amateur passionné d'imprimerie, y avait amassé une bibliothèque aussi curieuse par le nombre que par la beauté des volumes. Et la prudence lui avait fait pratiquer dans les murs une de ces inventions merveilleuses, conseillée par la solitude ou la peur monastique. Une chaîne d'argent soigneusement cachée mettait en mouvement, au moyen de fils invisibles, une sonnette placée au chevet du lit d'un serviteur fidèle. Le comte, voulant agir avec le plus grand secret, entra à tâtons, saisit la chaîne et la tira doucement. Un vieil écuyer de garde ne tarda pas à faire retentir du bruit de ses bottes et de ses éperons les dalles sonores d'une vis en colimaçon contenue dans la haute tourelle qui flanquait du côté de la mer l'angle occidental du château. En entendant monter le compagnon de ses périls, le comte alla dérouiller les puissants ressorts de fer et les verrous qui défendaient la porte secrète par laquelle la galerie communiquait avec la tourelle. Puis il introduisit dans ce sanctuaire de la science un homme d'armes dont l'encolure annonçait un serviteur digne du maître. L'écuyer, à peine éveillé, semblait avoir marché par instinct. La lanterne de corne qu'il tenait à la main éclaira si faiblement la longue galerie que son maître et lui se dessinèrent dans l'obscurité comme deux fantômes. « Selle mon cheval de bataille à l'instant même, et prépare-toi à m'accompagner, » dit le comte d'un son de voix profond qui réveilla toute l'intelligence du serviteur. Ce dernier, levant les yeux sur son maître, rencontra un regard si perçant qu'il en reçut comme une secousse électrique. « Bertrand, » ajouta le comte en posant la main droite sur le bras de l'écuyer, « il faut quitter la cuirasse et prendre les habits d'un capitaine de Miquelet. »« Vive Dieu, monseigneur, me déguiser en ligueur. Excusez-moi, je vous obéirai, mais j'aimerais autant être pendu. » Le comte sourit comme un homme dont on caresse la chimère favorite, Mais pour effacer ce rire qui contrastait avec l'expression sinistre répandue sur son visage, il répondit brusquement. « Ah ça ! Choisis dans l'écurie un cheval assez vigoureux pour que tu puisses me suivre. Nous irons comme les balles au sortir de l'arquebuse. Quand je serai prêt, sois-le, je sonnerai de nouveau. » Bertrand s'inclina en silence et partit. Quand il eut descendu quelques marches, il se dit à lui-même, en entendant siffler l'ouragan, « Tous les démons sont dehors, jarnit Dieu. Et ça m'aurait étonné de voir celui-ci rester tranquille. C'est par une tempête semblable que nous avons surpris Saint-Lô. » Le comte trouva dans sa chambre un costume favorable à son projet et qui lui servait souvent pour ses stratagèmes. Il s'habilla à la hâte avec une mauvaise casaque qui avait l'air d'appartenir à l'un de ces pauvres reîtres dont Henri IV payait si rarement la solde et revint promptement dans la chambre où gémissait sa femme. « Tâchez de souffrir patiemment, » dit-il. « Je crèverai, s'il le faut, mon cheval, afin de revenir plus vite pour apaiser vos douleurs. » Malgré les sons rauques de la voix de son mari, ses paroles n'annonçant rien de funeste, la comtesse, enhardie, se préparait à faire une question lorsque le comte lui demanda tout à coup « Ne pourriez-vous pas m'indiquer où vous mettez vos masques ?»« Mes masques ?» répondit-elle. « Mon Dieu, que voulez-vous en faire ? Où sont vos masques ? » répéta-t-il avec sa violence ordinaire. « Dans le bahut, » dit-elle. La comtesse ne put s'empêcher de frémir en voyant son mari s'emparer de tous ses masques et s'occuper, avec une attention minutieuse, à déguiser son visage à l'aide d'un tour et de nez, dont l'usage était aussi naturel aux dames de cette époque que l'est celui des gants aux femmes d'aujourd'hui. Le comte devint entièrement méconnaissable quand il mit sur sa tête un mauvais chapeau de feutre gris orné d'une vieille plume de coq toute cassée. Il serra autour de ses reins un large ceinturon de cuir dans la gaine duquel il passa une longue dague qu'il ne portait pas habituellement. En ce moment, il s'avança vers le lit par un mouvement si étrange et ses misérables vêtements lui donnèrent un aspect si effrayant que la comtesse crut sa dernière heure arrivée. « Ah, ne nous tuez pas !» s'écria-t-elle. « Laissez-moi mon enfant et je vous aimerai !»« Vous vous sentez donc bien coupable pour m'offrir comme une rançon l'amour que vous me devez ?» Ces paroles amères furent accompagnées d'un regard flamboyant et la voix du comte eut un son lugubre sous le velours. La comtesse anéantie s'écria douloureusement. « Mon Dieu ! L'innocence sera-t-elle donc funeste ? Il ne s'agit pas de votre mort, » lui répondit son maître en sortant de la rêverie où il était tombé, « mais de faire exactement, et pour l'amour de moi, ce que je réclame en ce moment de vous. » Il jeta sur le lit un des deux masques qu'il tenait, et sourit de pitié en voyant le geste de frayeur involontaire arraché à sa femme par la chute du velours noir. « Ayez ce masque à votre visage lorsque je serai de retour, » ajouta-t-il. « Je ne veux pas qu'un homme, même un croquant, puisse se vanter d'avoir vu la comtesse d'Hérouville. « Pourquoi un homme ? » demanda-t-elle à voix basse. « Oh, oh, mamie, ne suis-je pas le maître ici ? » répondit le comte. « Qu'importe un mystère de plus ? » dit la comtesse au désespoir. Le maître ayant disparu, son exclamation fut sans danger pour elle. Par un des courts moments de calme qui séparaient les accès de la tempête, la comtesse entendit le pas de deux chevaux qui semblaient voler à travers les dunes périlleuses et les rochers sur lesquels ce vieux château était assis. Mais ce bruit fut étouffé par la voix des flots, et bientôt elle se trouva prisonnière dans ce sombre appartement, seule au milieu d'une nuit tour à tour silencieuse ou menaçante, et sans secours pour conjurer le malheur qu'elle voyait s'avancer à grands pas, comme le dénouement des angoisses de son premier enfantement. Pendant qu'elle devait peut-être la vie à l'innocente finesse par laquelle elle avait fait appréhender une fausse couche à son mari, la comtesse cherchait une nouvelle ruse pour sauver son enfant. Ce petit être, conçu dans les larmes et le désespoir, était devenu toute son existence. Depuis 5 mois, il était sa consolation, le principe de ses idées, l'avenir de ses affections, sa seule et frêle espérance. Elle se leva, soutenue par un maternel courage, et, allant prendre le petit corps de cuivre dont se servait son mari pour faire venir ses gens, elle ouvrit une fenêtre et tira du cuivre quelques accents faibles et grêles qui se perdirent sur la vaste étendue des eaux comme une bulle lancée dans les airs par un enfant. Alors elle pleura en comprenant l'inutilité de cette plainte ignorée des hommes. Marchant à travers les appartements, elle espéra que toutes les issues n'en seraient pas fermées. Parvenue à la bibliothèque, elle chercha s'il n'y existerait pas quelques passages secrets. Mais ce fut en vain. S'élançant au bout de la longue galerie des livres, elle atteignit la fenêtre la plus rapprochée de la cour d'honneur du château. Et là, faisant de nouveau retentir les échos en sonnant du cor, Elle lutta sans succès avec la voix puissante de l'ouragan. Presque morte et découragée, elle pensait à se confier à l'une des duègnes dont son mari l'avait entourée. Lorsqu'en passant dans son oratoire, elle vit que la porte conduisant aux appartements de ses femmes était fermée. La comtesse eut à peine le temps de regagner son lit. À mesure qu'elle perdait tout espoir, les douleurs venaient l'assaillir. Et alors elle en sentit bien plus vivement le poids, car son découragement, accru de tous les efforts tentés pour sauver son enfant, lui avait enlevé ses dernières forces. Elle ressemblait au naufragé qui, fatigué, succombe, emporté par une lame moins furieuse que toutes les autres. Bientôt les souffrances ne permirent plus à la comtesse de compter les heures. Au moment où elle se crut sur le point d'accoucher seule, sans secours, et qu'à toutes ses terreurs se joignait la crainte des accidents auxquels son inexpérience l'exposait, le comte arriva soudain sans qu'elle l'eût entendu venir. Il se trouva là comme un démon réclamant à l'expiration d'un pacte l'âme qui lui avait été vendue. Il gronda sourdement en voyant le visage de sa femme découvert. Mais, après l'avoir assez adroitement masqué, il l'emporta dans ses bras nerveux et la déposa sur le lit de sa chambre. L'effroi que cette apparition et cet enlèvement inspirèrent à la comtesse fit taire un moment la nature et alors la malheureuse mère put jeter un regard furtif sur les acteurs de cette scène mystérieuse. Bertrand, qu'elle ne reconnut pas, car il était masqué aussi soigneusement que son maître, avait allumé à la hâte quelques bougies dont la clarté se mêlait aux premiers rayons du soleil qui commençait à rougir les vitraux des fenêtres. Ce serviteur étonné paraissait, en restant dans la même position, obéir à un ordre supérieur. Il était appuyé sur l'angle d'une embrasure de fenêtre et le visage tourné vers le mur, dont il semblait mesurer l'épaisseur formidable. Il se tenait dans une immobilité si complète que vous eussiez dit une statue de chevalier. Au milieu de la chambre, la comtesse aperçut un petit homme très gras et tout pantois, dont les yeux étaient bandés. La terreur peinte sur sa figure rondelette en bouleversait tellement les traits qu'il était impossible d'en deviner l'expression habituelle, et il gardait, comme les mannequins des peintres, une posture si stupide qu'on pouvait le comparer à un enfant auquel ses camarades ont malicieusement crié « casse-cou » de tous côtés. « Par la mort Dieu, monsieur le rebouteur !» lui dit le comte en lui rendant la vue par un mouvement brusque qui fit tomber autour du cou de l'inconnu le bandeau qu'il avait sur les yeux. « Ne t'avise pas de regarder autre chose que la misérable sur laquelle tu vas exercer ta science. Ou sinon je te jette dans la rivière qui coule sous ses fenêtres après t'avoir mis au chef un diamant de 100 livres. » Et il tira légèrement sur la poitrine de son auditeur stupéfait la cravate qui avait servi de bandeau. « Examine d'abord si ce n'est qu'une fausse couche, et dans ce cas, ta vie me répondrait de la sienne. Mais si l'enfant est vivant, tu me l'apporteras. » Après cette allocution, le comte saisit par le milieu du corps le pauvre rebouteur, l'enleva comme une plume de la place où il était, et le posa devant la comtesse. Puis il alla se placer au fond de l'embrasure de la croisée, où il demeura immobile comme Bertrand. Seulement, jouant du tambour avec ses doigts sur le vitrage, ses yeux se portèrent alternativement sur son serviteur, sur le lit, sur l'océan, mais plus fréquemment peut-être sur le lit et l'océan, et ses sinistres regards semblaient promettre à l'enfant attendu la mère pour berceau. Le nom de rebouteur appartenait à cette époque, comme un titre d'honneur, à quelques-uns de ces hommes rares en France qui, soit par sortilège, ou grâce à une longue pratique, reboutaient, c'est-à-dire remettait les jambes et les bras cassés, guérissait bêtes et gens de certaines maladies et s'accommodait merveilleusement aux volontés des dames et des seigneurs qui ne les payaient toujours. Le pauvre rebouteur, que le comte et Bertrand venaient d'arracher par une violence inouïe au plus doux sommeil qu'eût jamais clopé pierre d'homme, pour l'attacher en croupe sur un cheval qui semblait avoir l'enfer à sa suite, était célèbre principalement par son habileté dans les accouchements, avortements et fausses couches. Son caractère, naturellement malicieux et gai, s'était admirablement bien accommodé de la joie et des repas qui couronnaient presque toujours ses opérations. Il luttait avec la corporation formidable des sages-femmes, mais sa discrétion bien connue lui avait valu de 40 lieues à la ronde la clientèle de la haute noblesse, qui, dans ces temps de désordre, était souvent obligée d'initier à des secrets honteux ou terribles, maître Antoine Beauvouloir. L'habitude d'être partout l'homme le plus important avait ajouté à son imperturbable gaieté une dose de vanité grave. Ses impertinences étaient presque toujours bien reçues dans les moments de crise où il se plaisait à opérer avec une certaine lenteur magistrale. De plus, il était curieux comme un rossignol. À ces deux défauts près, développés en lui par les aventures multipliées où le jetait sa profession, c'était le meilleur homme de Normandie. En se trouvant placé par le comte devant une femme en mal d'enfant, Maître Beauvouloir recouvra toute sa présence d'esprit. Il se mit à tâter le pouls de la dame masquée, sans penser aucunement à elle. C'était un maintien doctoral à l'aide duquel il réfléchissait sur sa propre situation. Dans aucune des intrigues, soit honteuses, soit criminelles, où la force l'avait contraint d'agir en instrument aveugle, jamais les précautions n'avaient été gardées avec autant de prudence que dans celle-ci. Il pouvait souvent avoir compris que sa mort était mise en délibération comme un moyen d'assurer le secret de l'entreprise à laquelle il participait malgré lui. Mais sa vie n'avait jamais été tant compromise qu'en ce moment. Il résolut avant tout de reconnaître ceux dont il était le complice et de s'enquérir ainsi de l'étendue de son danger, afin de pouvoir sauver sa chère personne. « De quoi s'agit-il ? » demanda le rebouteur à voix basse en disposant la comtesse à recevoir les secours de sa vieille expérience. « Ne lui donnez pas l'enfant. »« Parlez tout haut !» s'écria le comte d'une voix tonnante qui empêcha Maître Beauvouloir d'entendre le dernier mot prononcé par la victime. « Ou sinon, » ajouta le seigneur qui déguisait soigneusement sa voix, « dit-on in manus !» « Plaignez-vous à haute voix, » dit le rebouteur à la dame. « Criez, jarnit Dieu, car cet homme a des pierreries qui nous iraient pas mieux qu'à moi. Du courage, ma petite dame. »« Aie la main légère, » cria de nouveau le comte. « Monsieur est jaloux, » répondit le frater d'une petite voix aigre, mais les cris de la comtesse couvrirent sa voix. Aussi heureusement pour la sûreté que pour la renommée de Maître Beauvouloir, la nature se montra clémente. C'était plutôt un avortement qu'un accouchement, tant l'enfant qui apparut était chétif, débile et sans consistance. Grâce à sa rare petitesse, le nouveau-né n'avait dû causer à la mère aucune douleur aiguë. « Par le ventre de la Sainte Vierge !» s'écria le curieux rebouteur. « Ce n'est pas une fausse couche. » À ces mots, le comte fit trembler le plancher, tant il le frappa violemment du pied, tandis que la comtesse pinça Maître Beauvouloir. « Ah ! J'y suis !» se dit-il à lui-même. « Ce devait donc être une fausse couche ?» demanda-t-il à l'oreille de la dame masquée qui lui répondit par un geste affirmatif, comme si ce geste était le seul langage qui pût exprimer ses pensées. « Tout cela n'est pas encore bien clair, » pensa le rebouteur. Comme tous ceux qui exercent son art avec habileté, le frater savait reconnaître assez facilement si une femme en était, disait-il, à son premier malheur. Quoique la pudique inexpérience de certains gestes lui révélât la virginité de la comtesse en ce genre, le malicieux rebouteur s'écria. « Madame accouche comme s'il n'avait jamais fait que cela !» Un sourd grognement de rage sortit du gosier du comte, il trépigna d'une manière convulsive et dit « À moi, l'enfant !»« Ne le lui donnez pas, au nom de Dieu !» s'écria la mère. Ce cri presque sauvage réveilla dans le cœur du frater une courageuse bonté qui lui fit épouser la cause de la comtesse. « L'enfant n'est pas encore venu. Vous vous battez de la chape à l'évêque, » répondit-il froidement au comte en cachant le pauvre avorton. Mais, étonné de ne pas entendre de cri, il regarda l'enfant croyant déjà qu'il était mort. Alors le comte s'aperçut de la supercherie du rebouteur et sautant sur lui d'un seul bond, « Tête Dieu pleine de reliques, me le donneras-tu » s'écria-t-il en rugissant de rage et lui arrachant des mains l'innocente victime qui alors jeta de faibles cris. « Prenez garde, il est tout contrefait !» dit Maître Beauvouloir en s'accrochant au bras du comte. « Il est chétif, c'est un enfant venu sans doute à 7 mois. » Puis avec une force supérieure qui lui était donnée par une sorte d'exaltation, il arrêta les doigts du père en lui disant à l'oreille d'une voix entrecoupée. « Épargnez-vous un crime, il ne vivra pas !»« Scélérat !» s'écria vivement le comte, des mains duquel le rebouteur épouvanté avait arraché l'enfant. « Qui te dit que je veille sa mort ?» « Ne vois-tu pas que je le caresse ?»« Attendez alors qu'il ait 18 ans pour le caresser ainsi !» répondit Beauvouloir, retrouvant toute son importance. « Mais, » ajouta-t-il en pensant à sa propre sûreté, car il venait de reconnaître le comte qui, dans son emportement, avait oublié de déguiser sa voix, « baptisez-le promptement, et ne parlez pas de mon arrêt à la mer, autrement vous la tueriez !» Cette phrase à droite lui était suggérée par la joie secrète que le comte avait trahie en laissant échapper un geste promptement réprimé, au moment où le frater lui prophétisa la mort de l'avorton. Le rebouteur, dont les paroles venaient de sauver l'enfant, s'était empressé de le rapporter près de la mère. Il la trouva évanouie. Elle avait tout entendu, car il n'est pas rare de voir, dans les grandes crises, les organes de l'homme contracter une délicatesse inouïe. Maître Beauvouloir montra au comte, par un geste ironique, l'état dans lequel leur débat avait mis la couchée. Cependant, les cris de l'enfant qu'il posa sur le lit rendirent, comme par magie, la vie à la comtesse. La pauvre dame crut entendre la voix de deux anges quant à la faveur des vagissements du nouveau-né. Le rebouteur lui dit à voix basse, en se penchant à son oreille, « Ayez-en bien soin, il vivra 100 ans. Beauvouloir s'y connaît. » Un soupir céleste, un mystérieux serrement de main furent la récompense du rebouteur, qui cherchait à s'assurer, avant de livrer aux embrassements de la mère impatiente cette frêle créature, dont la peau portait encore l'empreinte des doigts du comte, si la caresse paternelle n'avait rien dérangé dans sa chétive organisation. Le mouvement de folie par lequel la mère cacha son fils auprès d'elle et le regard menaçant qu'elle jeta sur le comte par les deux trous du masque firent frissonner le frater. « Elle mourrait, s'il perdait trop promptement son enfant, » dit-il au comte vers lequel il s'élança. Pendant cette dernière partie de la scène, le sire d'Hérouville semblait être devenu plus farouche. Il n'avait rien vu ni rien entendu. Restant immobile et comme absorbé dans une profonde méditation, il avait recommencé à battre du tambour avec ses doigts sur les vitraux. Mais après la dernière phrase que lui dit le rebouteur, il se retourna vers lui par un mouvement d'une violence frénétique, tira sa dague et s'écria « Misérable manant !» Ce mot était un sobriquet outrageant donné par les royalistes aux ligueurs. « Impudent coquin ! La science qui te vaut l'honneur d'être le complice des gentilshommes pressés d'ouvrir ou de fermer les successions me retient à peine de priver à jamais la Normandie de son sorcier, en l'élevant triomphalement à 6 pieds de terre. » Puis au grand contentement de Beauvouloir, le comte repoussa vivement sa dague dans le fourreau. « Ne saurais-tu, continua-t-il d'une voix tenante, te trouver une fois en ta vie dans l'honorable compagnie d'un seigneur et de sa dame, sans les soupçonner de ces méchants calculs que tu laisses faire à la canaille, sans songer qu'il n'y est pas autorisé, comme les gentilshommes, par des motifs plausibles? Puis-je avoir dans cette occurrence des raisons d'état pour agir comme tu le supposes? Tu es mon fils, l'enlever à sa mère, où as-tu pris ces bilbesées? Suis-je fou? Pourquoi nous effraies-tu sur les jours de ce vigoureux enfant? Bélitre, comprends donc que je me suis défié de ta pauvre vanité. Si tu avais su le nom de la dame que tu as accouchée, tu te serais vanté de l'avoir vue. Pâque Dieu! Tu aurais peut-être tué, par trop de précaution, la mère ou l'enfant, mais songes-y bien. Ta misérable vie me répandait l'heure. » Le rebouteur fut stupéfait du changement subi qui s'opérait dans les intentions du comte. Cet accès de tendresse pour l'avorton l'effrayait encore plus que l'impatiente cruauté et la morne indifférence qu'il avait manifestée d'abord, car l'accent qu'il mit en prononçant sa dernière phrase décelait une combinaison plus savante pour arriver à l'accomplissement d'un dessein immuable. Maître Beauvouloir se promit alors intérieurement de décamper du pays, s'il avait le bonheur de se retirer sain et sauf de ce mauvais pas. Puis, s'expliquant un dénouement aussi imprévu par la double promesse qu'il avait faite à la mère et au père, « J'y suis, » se dit-il. « Ce bon seigneur ne veut pas se rendre odieux à sa femme et s'en remettra sur la providence de l'apothicaire. Alors il faut que je tâche de prévenir la dame de veiller sur son noble marmot. » Au moment où il se dirigeait vers le lit, le comte, qui s'était approché d'une armoire à plusieurs tiroirs, l'arrêta par une puissante interjection. Et au geste que fit le seigneur en lui tendant une bourse, le rebouteur se mit en devoir de recueillir, non sans une joie inquiète, l'or qui brillait à travers un réseau de soie rouge. Le comte, le lui jetant avec dédain, dit avec ironie « Moi ». En achevant ces paroles de clémence, « Si tu m'as fait raisonner comme un vilain, je ne me crois pas dispensé de te payer en seigneur. Je ne te demande pas la discrétion. L'homme que voici, le comte montra Bertrand, a dû te dire que partout il y a des chaînes et des rivières, mes diamants et mes colliers savent trouver les manants qui parlent de moi. » En achevant ces paroles de clémence, le géant s'avança lentement vers le rebouteur interdit, lui approcha un siège et parut l'inviter à s'asseoir comme lui près de la coucher. « Eh bien, ma mignonne, nous avons enfin un fils, » reprit-il. « C'est bien de la joie pour nous. Souffrez-vous beaucoup ?»« Non, » dit en murmurant la comtesse. L'étonnement de la mère et sa gêne, les démonstrations de la joie factice et tardive du père, convainquirent Maître Beauvouloir qu'un incident grave échappait à sa pénétration habituelle. Le frater, persistant dans ses soupçons, appliqua sa main sur celle de la jeune femme sous prétexte de s'assurer de son état. « La peau est bonne, » dit-il. « Nul accident fâcheux n'est à craindre pour madame. La fièvre de lait viendra sans doute. Ne vous en épouvantez pas, ça ne sera rien. » Mais là, le rusé rebouteur s'arrêtant, serra la main de la comtesse par un mouvement d'une rare intelligence. « Si vous ne voulez pas avoir d'inquiétude sur votre enfant, madame, » reprit-il, « il ne faut pas le quitter. Laissez-le longtemps boire le lait que ses petites lèvres cherchent déjà, et gardez-vous bien des drogues de l'apothicaire. Le sein est le remède à toutes les maladies des enfants. J'ai beaucoup vu d'accouchements à 7 mois, mais j'ai rarement vu de délivrance aussi peu douloureuse que la vôtre. Ce n'est pas étonnant, l'enfant est si maigre. Il tiendrait dans un sabot, et je suis sûr qu'il ne pèse pas 15 onces. Du lait, du lait. S'il reste toujours sur votre sein, vous le sauverez. » Ces dernières paroles furent accompagnées d'un nouveau mouvement imperceptible des doigts du rebouteur qui pressa le bras de la comtesse. Et malgré les 2 jets de flamme que dardaient les yeux du comte par les trous de son masque, Beauvouloir débita ses périodes avec un sérieux imperturbable d'un homme qui voulait gagner son argent. « Oh, rebouteur, tu oublies ton vieux feutre noir !» lui dit Bertrand au moment où le frater sortait avec lui de la chambre.